Pourquoi on appelle ça une pédale wah-wah alors qu'en fin de compte ça fait miaou? Ben, pour te dire, c'est pas une pédale wah-wah. Ouais. C'est intégré à l'effet de l'ampli, j'ai ça aussi. As you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. There's a penny so big you feel nothing at all. Working class hero, something's to be.